Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 25e numéro de Sur nos écrans. Un numéro qui cette semaine fera le point sur deux séries qui ont fait leur retour la semaine dernière, Arrow et The Flash, donc saison 4 et saison 2 respectivement. Et puis brièvement, nous vous donnerons nos avis sur ce qu'on a pu regarder en dehors de ces deux séries du Focus dans la semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 25e numéro de Sur nos écrans. My name. Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi cette semaine, Arnaud, salut, Clément, salut, et Léo. Hello. Donc on a un double focus cette semaine, donc on va essayer d'être effectivement relativement bref sur notre petit récap de la semaine. On va essayer de faire plus court en tout cas que le mag de mardi, hein. Ça serait pas mal. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a regardé en dehors, évidemment, de Arrow et de Flash? Je vous propose, une fois n'est pas coutume, de commencer avec Agents of S.H.I.E.L.D., épisode 2 de la saison 3. Je l'ai pas vu, moi, no spoil. S'appelle donc Purpose in the Machine, qui est la suite directe hein, de l'épisode 1. Un épisode assez... dans un genre, hein, dans un style un peu en décalage par rapport à ce qu'on a pu voir dernièrement, mais qui fait du bien. On est plus dans le film d'aventure là cette fois que dans la grosse série d'espionnage super-héroïque, etc. Voilà, c'est plaisant. Voilà, c'était plaisant. Ça a changé. Léo Fitz se révèle être vraiment la révélation clairement de cette saison. Voilà, avec encore de grands moments qu'il nous offre là. Parce que ça reprend directement. Après ça, l'épisode 2 démarre directement au moment du cri qui est du cri déchirant qui est à la fin de l'épisode 1. Donc on reprend exactement ici. Et puis voilà, on a la suite. Des personnages qui reviennent, ça fait plaisir. Enfin, voilà. Un bon moment pour moi que l'épisode 2 de cette saison 3. Clément, pareil? Ouais, c'est effectivement un épisode assez différent du deuxième première, mais n'empêche que ça continue sur sa lancée, ça lance des pistes vraiment très intéressantes pour la suite de la saison. Donc ouais. Pareil, hein, je vais pas spoiler parce que je pense que tu vois l'arrivée d'un personnage et ça a été lu des très bonnes surprises de cet épisode parce que je m'y attendais absolument pas. Et donc voilà, non, c'est vraiment prometteur pour la suite et on sent que les scénaristes savent où ils vont aller. Et ça promet du très bien si ça continue sur sa lancée. Puis c'est ce que je me dis, mais je pense que l'avantage, vu la tournure que prend la série là depuis cette fin de saison 2, la fin de saison 2, même durant toute la saison de la saison 3, je pense qu'on aura très peu, voire quasiment pas, d'épisodes, on va dire, stand-alone, quoi. Non, c'est pas, ça dirige pas là-dessus. Clairement, on sent qu'il va avoir un petit directeur pour chaque épisode, et ça fait du bien, parce que le risque dans des saisons d'une vingtaine d'épisodes, c'est justement qu'il y ait des épisodes bouche-trou qui servent à rien, comme on avait pu voir dans The Flash ou Arrow. Et comme on avait dit, bref, il te reste 10 secondes pour nous dire si oui ou non Heroes Reborn c'était bien. Ouais, enfin moi j'aime bien, j'accroche, c'est sympa, ça se regarde. D'accord. Je suis à la bourre aussi sur Heroes Reborn. Et Léo, tu as, toi, quant à toi, une minute pour nous parler des deux épisodes que tu as vus cette semaine. Alors, Fear the Walking Dead a terminé, c'était extrêmement décevant comme final. C'est filmé comme un gamin de 5 ans, ça a essayé de nous tirer absolument toutes nos peurs et toutes nos émotions avec des cris, des lumières qui s'éteignent et qui se rallument. Enfin, on dirait un très mauvais film d'horreur de série plus que Z. Ici passe pas grand chose, on nous sacrifie un personnage pour nous dire regardez, on a un petit, enfin on sait tuer nos personnages, mon œil, tu parles, il y en a trois qui sont à deux doigts mourir. Évidemment, la série n'a pas les couilles de le faire. Enfin bref, façon. Et Gotham, centré cette semaine pas mal sur le Joker, enfin sur Jérôme du coup, et un épisode enfin, que moi j'ai trouvé, évidemment, comme toujours dans cette émission, Envers et contre tous, vachement bien, plutôt enfin bien rythmé, avec des personnages qui évoluent pas mal. Gordon a une belle évolution, je trouve. Le Joker, en tout cas, après, bon, il bouffe quand même beaucoup de choses sur Heath Ledger, ça se voit, mais pour autant, ça fait quelque chose d'un peu incongru quand même de voir un peu le Joker sur l'écran, mais c'est pas déplaisant, c'est même plutôt divertissant. Et cette seconde saison a vraiment bien commencé, en tout cas, je la regarde avec un intérêt doublé par rapport à la saison 1. Voilà. D'accord. Eh ben, espérons qu'on arrive à la saison 4 parce que l'intérêt sera plus que multiplié. En tout cas, je me suis fait spoiler la fin de cet épisode 3 et effectivement, c'est une bonne nouvelle. Oh là là. J'avais juste rajouté en 30 secondes une petite chose concernant les séries que j'ai regardées hier, que je sais Arnaud a regardé hier également. C'était l'Happy Hour, l'Happy Hour série de Small Things et compagnie, dans lequel Léo était présent ainsi que Elodie sur nos écrans. Et je tenais à féliciter chaleureusement Léo pour son échec au quiz. Il n'a même pas été foutu d'identifier Phil Coulson. Et le pire, c'est qu'il n'a pas été foutu d'identifier le pingouin. Voilà. Ah non, le pingouin, Stéphane, non, mais le pingouin, enfin, en même temps, je pouvais pas deviner, Stéphane l'a deviné au bout de deux mots, il a tapé limite au pif, et il a réussi à le trouver. Et par contre, sur Coulson, j'avoue, mais à Coulpa, j'ai pas du tout compris, je venais d'arriver, j'étais un peu. Tu as bien défendu la cause des comics et des personnages adaptés de comics. Félicitations. Allez, on va attaquer notre focus de la semaine sur Arrow, saison 4, épisode 1, et The Flash, saison 2, épisode 1. On s'était quitté sur une débâcle pour Arrow et sur un grandiose succès pour The Flash sur les épisodes finales de la saison précédente. Qu'en est-il? On va commencer, je vous propose, par The Flash, puisque c'est le premier qui a été diffusé la semaine dernière, mardi. The Flash, saison 2, épisode 1, The Man Who Saved Central City. Bien ou pas? Arnaud, tiens, c'est un truc important d'abord. On est emmerdé là au moment d'aborder The Flash. Je sais, on est emmerdé. Mais... Ouais. Il faut mettre les pieds dans le plat. Bien, oui, mais non. Si, c'est ça. C'est délicat à dire. En soi, l'épisode n'est pas mauvais. Ils ont repris une. On retrouve plein d'éléments qu'on a vus précédemment. Déjà. Point positif quand même, il faut reconnaître un point positif, Iris n'a pas été chiante. On l'a pas beaucoup vu. On n'a pas vu Iris. Elle a pas été chiante. Elle a quand même une ou deux scènes, d'habitude, en une scène ça suffit pour nous gâcher un épisode. Là, ça a été. Elle servait pas à grand chose, mais elle était pas chiante. Après, l'épisode en lui-même, je pense qu'il avait un souci, c'est dans sa structure. C'est plutôt sa structure qui m'a dérangé. Ils ont fait un saut dans le temps de plusieurs mois et ils essayent au fur et à mesure de l'épisode de nous recoller des morceaux qu'on comprenne ce qui s'est passé entre la fin du final où Flash se jette quasiment dans le trou noir et ce début de saison où tout le monde connaît Flash et tout le monde on lui fait une grosse fête sur la place publique pour le remercier et qu'on nous explique au passage pourquoi Ronnie n'est pas dans Legends of Tomorrow. C'était mal exécuté, surtout qu'en parallèle de ça, le méchant de la semaine n'était pas non plus des plus extraordinaires. Oh, il n'a qu'une seule utilité, c'est de donner le nom du méchant de la saison. Voilà, c'est tout. La petite fin où on nous dit tu vas cette année affronter Zoom, et on comprend avec ce personnage-là aussi que ils vont introduire de plus en plus les univers parallèles parce que c'est pas dit. Mais c'est bien appuyé que ce personnage n'est pas de cette terre-là. Oui. Et donc, c'est pareil, c'est... Non, c'est pas de cette terre ou de cette époque, en tout cas. Oui, non, parce qu'en tout cas, il dit qu'il ressemble à un homme qui est mort. Donc, soit oui, il vient d'une autre époque, ce qui m'étonnerait un petit peu quand même. Dans 10 ans, Flash meurt. Hein. Oui. Soit il vient d'une terre parallèle, ce qui est tout à fait possible aussi. Voilà, où il est déjà mort, effectivement. On ne spoile pas d'ailleurs. Hein? On ne spoile pas? L'épisode en lui-même. Si, si, bon, on a pris l'habitude de spoiler dans nos focus, donc c'est pas un souci. Hein. Ok. Non, non, parce que comme Arnaud disait pas le truc, je me disais. Le nom du méchant, pardon, excuse-moi. C'est ça? À Zoom, parce que j'ai pas particulièrement envie d'en parler. parce qu'on ne sait rien au final. On voit plus d'éléments de zoom dans les trailers que dans l'épisode lui-même. D'ailleurs, il y a un trailer qui vient de sortir où on voit Zoom et Vandal Savage. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la structure de l'épisode qui mêlait flashback et éléments présents. Et dans le présent, on était vraiment déboussolé. Alors déjà, l'épisode commence bizarrement. Il commence par une sorte de rêve de Barry. Ensuite, d'arriver dans le nouveau présent où la situation est totalement différente. Barry a totalement abandonné ses amis. Eux l'ont abandonné aussi depuis, ils se mettent de côté aussi depuis 6 mois, depuis que Barry les a rejetés à cause de la mort de Ronnie. C'était la transition entre ce rêve et le retour à la réalité était quand même assez étrange. Au final, le rêve n'a pas de grande importance, surtout on n'en reparle pas après, c'était assez étrange. Et après, la suite de l'épisode avec sa structure entre flashback et retour dans le présent m'a un peu décontenancé. Ajouter un méchant qui est pas forcément, qui était pas du tout intéressant. Faut l'avouer, il était pas intéressant, et même physiquement, niveau spéciaux, effets spéciaux, c'était pas grandiose. La série a fait mieux. Bon, ils gardent le budget pour des choses plus importantes. Donc voilà, sa structure et l'intrigue m'a un peu décontenancé. Ce retour, ce nouveau statu quo avec tout le monde qui s'est barré, Barry qui veut parler à personne, Iris en leader, tout ça, c'était assez étrange. Et ouais, je pense que vraiment le mot, ça m'a décontenancé. Ouais. Clément, alors, oui mais non toi aussi ou? Ouais, je serais plutôt de la vie d'Arnaud. Il y avait plus qu'un que j'ai aimé retrouver ces personnages et cette ambiance qui est propre à The Flash. C'est vrai que la structure de l'épisode est assez particulière et c'est vrai que effectivement on est complètement décontenancé par cet épisode. C'est vrai que c'est un bad guy anecdotique et il est là, il sert uniquement de prétexte pour nous évoquer pour la première fois Zoom. Donc quand tu connais l'univers, ça fait quand même quelque chose quoi, que tu entends ce mot, c'est lui le bad guy, on va être encore plus dans la mythologie de Flash. Et après c'est vrai que ce serait pareil, le statu quo durant cet épisode m'a un peu décontenancé, du coup je m'attendais pas forcément à ça, j'ai pas trop su si j'avais aimé ou pas. C'est vrai que j'ai bien aimé ce season première, mais je pense après c'est complètement différent par rapport au season final de la saison 1 qui avait été quand même qui était monté vraiment crescendo et qui avait offert une dynamique, un tempo assez intense. Donc je pense que c'est aussi par rapport à ça qu'on a tendance à comparer cet épisode, donc oui mais non, même si on va dire oui mais non, mais un petit plus quand même. Alors je vais poser une question qui est un ressenti que j'ai eu, et puis je te laisserai Léo répondre, du coup, parce que tu n'as pas exprimé sur cet épisode. C'est quand même hyper facile ce qu'ils nous ont fait. Ah oui, complètement, classique. Vraiment dans la facilité, dans la résolution facile de pas mal de choses qui pouvaient s'avérer emmerdantes, enfin qui étaient ambitieuses et qui auraient pu s'avérer emmerdantes, dans lesquelles ils auraient pu se prendre le tapis. Et au final, c'est quand même assez vite expédié tout ça. Comment l'espèce de trou noir est refermé, on a sacrifié un personnage, c'est quand même hyper simple. Et c'est facile de sacrifier un personnage pour essayer d'amener des enjeux de danger ou d'émotion ou quoi, c'est assez facile quand même. On sent effectivement qu'à un froid, c'est assez bien mené, le fait de voir Barry seul et un peu isolé, sombre. Enfin, on voit une nouvelle facette de Barry qu'on ne connaissait pas encore et qui est intéressante à voir. Après, la résolution de ça, comment il va retrouver les autres, etc. Là aussi, c'est facile. Oui, ils s'en doutaient de toute façon. Ils ont un peu fait traîner ça. Léo ? C'est du gâchis, j'ai eu une sensation de vrai gâchis par rapport à la fin de la saison 1 où on avait tout ce rythme qui a monté en puissance jusqu'au vortex, tout ça qui était extrêmement jouissif, qui était intense, et tout ça. Et là, on nous amène au milieu d'une espèce de situation un peu pseudo-dramatique où Barry est tout seul, tout ça, où on nous met, où on en profite pour nous donner, pour nous dire qu'il est tout seul. Et puis d'un coup, en effet, on revient par flashback sur comment le trou noir est devenu. Enfin, est parti, quoi. Et on nous résout le trou noir en 20 secondes en nous sacrifiant un personnage pour un petit peu essayer de nous tirer les larmes. Et j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Je trouvais que, enfin, il y avait énormément matière à repartir direct sur un bon rythme avec la résolution du vortex. Et au final, non. Et alors, ça s'est retrouvé dans tout l'épisode, cette espèce d'ambition hésitante entre l'espèce de dramatique, entre ce qui faisait le charme de la série avec un peu de comique, de voilà, le méchant en effet n'est qu'un prétexte, mais ça, à la limite, je veux bien le pardonner parce que il faut bien un peu introduire le personnage d'une manière ou d'une autre. Donc bon, voilà, ça encore, bon, ça Oui, ça passe pas encore, ça se passe ouais, pas très ça bien. passe encore. Voilà. Et ensuite, bah, vraiment, c'est extrêmement dommage. Ça aurait pu être, être nettement mieux, ça aurait pu être mieux mené. Enfin, Iris, bon, est peut-être moins chiante, mais enfin, comme ils partent dans le dramatique, quand il y a du dramatique, bah, c'est toujours pour sa gueule. On nous donne ensuite l'espèce de bonne nouvelle, happy ending à la fin avec le père de Barry qui sort. Enfin, voilà, tu vois, Alors c'est. ça justement, ça c'est le truc qui m'a un peu pas perturbé mais dérangé, c'est le fait qu'Harrison Wells nous fasse une vidéo là avec sa Voilà. confession, ça colle pas du Voilà. tout avec le personnage. Bah, c'est Non, ça, c'est-à-dire qu'ils vraiment c'est ils sont facile, ce que partis. tu disais c'est totalement facile. Le mec qui Ils voulait sont juste faire partis dans la. souffrir Barry Allen, etc., se débarrasser de lui, machin, tout ça, et qui va lui donner la chose qu'il attend le plus, c'est-à-dire la libération de son père, c'est. Justement, je l'ai compris. Bon, après, c'est totalement personnel, hein, je l'ai compris ainsi. C'est-à-dire qu'il dit au début de la vidéo, tu ne seras jamais heureux, Barry Ouais. Allen, mais tout de même, je vais te donner quelque chose. Et là, il dit, enfin, il libère le père. Donc, bon, bah, écoute, bon, après, Oui, mais au c'est pour ça, final, par il voulait exemple. juste se Attends, servir j'ai pas de. fini. Attends, juste une seconde. Je me suis dit, bon, ça paraît complètement fou. Et ensuite, donc, tu vois, le père, il sort, tout le monde, il est heureux, tout le monde, il est content, il y a la petite fête à la maison. Et là, le père décide qu'il s'en va, qu'il ne sort. Et donc, ce qui pourrait dire Harrison Wells, en disant, On n'a pas tu ne seras entendu, jamais pardon. heureux. Donc, ah, pardon. Bah, Sort de prison. l'histoire de. Voilà, il sort de prison et puis tout le monde fait la fête en disant ouais c'est super t'es sorti de prison etc. Et là le père décide de pas aller en De de partir. pas rester dans le coin. Voilà, il décide de partir et là je me suis dit bon c'est peut-être ça qui fait écho aux paroles d'Harrison Wells tu ne seras jamais heureux. Mais à Il ne mon avis pouvait pas le c'est prévoir, un hein. peu étriqué comme interprétation et auquel cas ce serait complètement alambiqué quoi. Enfin c'est voilà il y a un problème de Je pense tension qu'ils ont voulu dire, certes, au départ, il arrivait, il voulait utiliser Barry Allen, mais au final, il s'est attaché à lui et avoir le rôle de mentor, il s'est attaché à lui et du coup, il a voulu faire une bonne action. Ok, Non, mais ça colle pas au personnage. ça colle pas quoi. Enfin, il y a un problème de Non. tension là. Enfin, on dirait qu'ils ont Si. pas, ils ont, on dirait qu'ils ont hésité à repartir sur le dramatique et Moi, qu'ils non, ont mais voulu rester dans c'est le même coin. exactement ce que Mathieu disait, il y a des facilités dans cet épisode. La facilité de la résolution du final. On nous refait le coup de Ronnie qui meurt et Kathleen qui perd toute joie et toute envie de faire ce boulot-là. Ça, ils nous l'ont déjà fait une fois. Ils l'ont déjà ramené une fois, ils vont pas nous le ramener une deuxième fois, Si, ou bah si, alors. y a pas de corps. Oui, non, mais c'est sûr qu'il va revenir, mais enfin, franchement, non, mais c'est de la paresse d'écriture, à ce niveau-là. Ah oui, Et non, mais après, c'est. pareil, il nous refait le coup de. On veut que ce soit quand même, ça reste une série un peu légère, donc on va mettre un truc positif dans la vie de Barry, on va ramener son père assez facilement. Donc oui, il y a énormément de facilité dans ce retour. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Léon. Moi, sur Laurent, je l'avais plutôt perçu comme ça, sur le fait qu'effectivement, Harrison Wells se dit, en gros, tu vas beau, enfin, tout va avoir beau te paraître bien pour toi, ton père qui t'a libéré aussi comme ça, et ben finalement, non, ça sera pas aussi bien. Et d'une certaine façon, moi, je me suis dit, bah, avec l'attitude qu'a le père de Barry leur sort de prison, bah, finalement, Harrison Wells avait raison et peut-être qu'il avait envie aussi de lui montrer ça. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, il dit, il disait un truc du genre, en gros, tu vas voir que c'est pas forcément mieux que ton père soit libéré. Donc moi, sur le moment, je l'avais perçu comme Léo à peine, en fait. N'empêche, effectivement, c'est quand même très, très, très... Moi, ce qui me fait peur vis-à-vis de ce père-là, c'est qu'en fin de saison, on a beaucoup tourné autour de la perte de la mère. Ouais. J'ai peur que le père se retrouve autour d'une intrigue, autour de la perte du père. Il va être forcément menacé à un moment ou à un autre. Ouais. Il va être retrouvé par quelqu'un. Il va être menacé de mourir ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il pourrait même mourir, je n'en sais rien. Mais forcément, ce père ne va pas rester en dehors de la ville très longtemps et va être ramené et en mauvaise posture. Tu peux avoir peur, hein. Ça ne m'enchante pas. Ça ne m'enchante pas. Non, non, c'est clair. Hein. Vraiment, ça a été vraiment tout ça a été facile pour jouer un peu sur les émotions. Ça va faire plaisir aux fans. On va introduire un peu le truc et puis basta, qu'on touille un peu et basta. Donc c'est vraiment paresseux. C'est surtout très décevant par rapport à ce que la série a pu offrir en termes de montée en puissance dans tous ces épisodes, et notamment sur la saison finale de la saison 1. Alors, on a l'air hyper négatif, etc. On l'est par rapport à ce que nous avait offert le final de la saison 1. En soi, ça reste des flashs, ça reste sympa. On n'a pas passé non plus un mauvais moment. Oui. Non, pas du tout. Oui, non, mais je garderai plein de bonnes choses, de ce season première. J'en garderai deux. Je garderai Cisco, qui a été excellent et qui en plus s'avère se diriger vers une version à pouvoir, vers une version améliorée, on va dire, de lui-même. Vibe arrive. Et puis ce petit moment où il saute dans les bras de... Comment il s'appelle? Du vieux, là, Stein. Au moment où il trouve le nom du Atom Smasher, et voilà, genre, ouais, c'est bon, j'avais trouvé un comme moi, un peu geek, qui donne des noms. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite question subsidiaire par... j'ai regardé Atom Smasher, mais il y a deux Atom Smasher. Il y en a un chez Marvel, un chez DC. Et là, je Atom pense Smasher que ça passe. Là, il se rapproche plus de celui de Marvel que de celui de DC. Non, non, c'est bien celui de DC. Je pense que là, c'est celui de DC. Hein. Je ne peux pas trop m'avancer, mais je crois que le Flash, c'est DC. Ouais, non, il n'y a pas de. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas ça que justement, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que sinon, je ne la poserais pas. Mais j'ai regardé les deux Atom Smasher et j'ai vu deux versions. Et la version Marvel semblait plus proche de celle de l'épisode. Ouais, après, ils sont quand même assez proches en soi, mais bon... du coup, oui, puis de toute façon, il est tellement anecdotique que c'était pas... Voilà, non, mais c'était juste... Et la deuxième chose, donc, qui m'a fait kiffer, on va dire, et qui rattrape presque tout, enfin voilà, au moment où j'ai vu ça, j'ai tout pardonné de l'épisode, et j'étais juste comme un petit fou... I'm Jay Garrick. Ah oui. Même si on l'a vu dans des trailers, on l'a vu plusieurs fois, des photos, etc. Là, ça y est, il est réel, il existe, il arrive à la fin de cet épisode, il donne son nom, on le voit, et voilà, le fan de Flash que je suis n'a plus que bondir, et voilà. Puis Flash of Two Worlds, quoi. Ouais, et le titre de l'épisode qui arrive, Flash of Two Worlds, ils n'ont pas le droit de le rater. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est cool, mais rien qu'avec ces. Enfin, moi j'ai eu cette impression aussi, après c'est ce qu'on a. Vous n'avez pas eu la même impression, mais rien qu'avec ces quelques phrases, je trouve que l'acteur déjà dégage quelque chose. Moi, non. À voir, ouais. Moi, c'est juste son nom qui m'a fait de l'effet et de voir qu'il, ça y est, il existe et qu'on l'a enfin. Et que voilà. Il manque juste le casque. On l'a déjà vu. Oui. Oui, on a déjà vu, mais sur sa tête. C'est pareil, mais même si on l'a déjà vu sur sa tête aussi dans les bandes annonces et tout, ça ne sent pas pareil dans l'épisode, de toute façon. Donc, Ouais, bah, en tout cas, ouais, ils n'ont pas intérêt à le foirer, Flash of Two Worlds. C'est quand même une des super aventures de Flash. T'as pas le droit de donner ce titre-là et de traiter. C'est ça. Faut l'assumer là maintenant. Donc, voilà, Flash attendu au tournant sur la saison 2. Juste une dernière chose par rapport à Cisco. J'ai peur. Que quand il ait ses pouvoirs, il devienne un peu lourd et lassant, parce que tout ce qui fait Cisco, et que bon, il faut un peu accepter, c'est qu'il soit qu'il faut accepter à un certain degré, c'est qu'ils soient un espèce de gros geek qui aime bien donner à des noms à des méchants, tout ça. Donc bon, c'est sympathique, mais j'ai peur qu'en ayant les pouvoirs, ils deviennent un peu lourds. Non, il va devenir central. Non, justement. Il va devenir central parce que le pouvoir de Vibe, quand même, voilà, est assez important. On en a eu un aperçu là dans cet épisode, et au niveau de tout ce qui va être multivers et compagnie, je pense qu'il va, ça va vraiment être un... il va prendre une place importante, et je pense pas que ça le rende agaçant. Au contraire. D'accord. Et une seconde, dernière petite chose. Firestorm, d'ailleurs, j'ai re-regardé le pilote, le trailer de Legends of Tomorrow. Et en effet, dans Legends of Tomorrow, il n'y a que... Oui, il y a que Stein. Et Firestorm est pourtant, crédité comme étant l'un des prochains, enfin, dans l'un des héros qui va être là-dedans. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça? Il devrait avoir une deuxième moitié de Firestorm. Une deuxième moitié. Qu'on a vu, qui a été annoncé et qui porte le nom de la vraie deuxième moitié dans les comics. À savoir Jason. Question, alors qu'on a perdu Léo, semble-t-il, la même que d'habitude après les saisons premières. On continue The Flash ou pas? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Allô? Oui. Oui. Ah, pardon. On continue Léo, The Flash ou pas? Sur la fin de saison, la suite de saison. Bah moi je continue, hein, y a pas de problème là-dessus. Évidemment, évidemment, parce que malgré la déception par rapport au final, ça reste quand même hyper sympa. Oh oui, ça reste toujours très cool à voir, hein, y a pas de problème là-dessus. Est-ce que l'inversion va continuer? Arrow, saison 4, épisode 1. Alors, on s'était quand même quitté sur une grosse débâcle. Une sacrée grosse bouse. Faut quand même, ouais. Quand même les mots sur la saison 3, c'était quand même bien. De la merde. Voilà. Et encore. On se retrouve sur la saison 4 avec les plus grosses craintes du monde. Avec Magneto. Avec des images de Magneto, avec des teasers tout sauf rassurants, avec une scène d'ouverture à Wisteria Lane. hyper angoissante pour les fans de Green Arrow et de la série. Même pour les fans de Desperate Housewives. Et là, on se tape exactement ce qu'Arno vient de dire. Felicity, you have failed this omelette. Oh mon dieu. La bague, on se dit bordel, il va la demander en mariage. Enfin, tout part mal. Tout part mal. Est-ce que tout va mal jusqu'à la fin de l'épisode, Clément? Je crois que j'avais dit le soir sur Twitter quand j'avais vu l'épisode, et je crois que c'est ce que tu avais dit aussi. Ce season première a oscillé entre le très mauvais et le très bon. Il y a eu des moments où j'ai trouvé... Mais... Très bon, non. Non, enfin des moments bons, bon, mais... pas très bon, mais bon. Il y a eu des moments où j'ai envie de dire non, mais c'est... Enfin, toute la partie avec Félicité et tout ça, c'est juste chiant comme c'est pas possible, et t'as qu'une envie, c'est du coup une claque dans la gueule parce qu'elle est encore plus insupportable qu'avant. Et puis après... la scène de début qui peut être apparaître sympa à première vue et pas si serré que ça. Après moi le seul point positif vraiment que j'ai retenu de ce premier épisode c'est l'arrivée d'un bad guy qui apparaît beaucoup plus crédible que Ra's al Ghul. L'acteur fait son job et de ce côté-là ça peut être surprenant. Puis bien sûr on en parlera certainement. Il y a eu la fin, mais globalement En tout cas, avec ce méchant, en tout cas, on comprend pourquoi John Constantine va arriver. C'est ça, on comprend. Après, j'ai quand même pris plaisir à regarder cet épisode parce que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder Arrow depuis plusieurs mois, voire un an et encore. Donc, même si ça casse pas trois pattes à un canard, hein, je pense qu'on en parlera, mais il y a quand même eu des grosses facilités, notamment sur la manière dont il revient à Star City. Je sais plus Star City maintenant, c'est Star City, et comment il endosse le costume de Green Arrow. Donc, il y a eu des grosses facilités, mais après, voilà, le positif que je retiens, ça reste toute la trame de, on va dire, la trame de la saison qui s'amorce, et il y a eu quelques, enfin oui, il y a eu quelques sur la fin. Mais globalement, voilà, ça reste un season première assez faible large, je pense. Alors, pour ma part, j'ai été agréablement surpris. Je suis ressorti plutôt satisfait de cet épisode qui oscillait, et je l'assume, entre le ridicule et le très bon. Et il y a vraiment des choses qui sont très bonnes. Le ridicule, voilà, on reviendra pas dessus. Clément l'a bien décrit. Après, il y a des choses qui sont de vraies bonnes idées que j'ai retenues. À part dehors du fait qu'enfin il assume son nom. Enfin. Alors que personne le reconnaît, mais alors pas du tout. Alors, Non, mais ça fait 4 ans que personne ne le reconnaît. Donc oui, non, mais là, il est face caméra, Voilà. devant toutes les télés du monde. Il se promène dans une gare démasqué en tant qu'Oliver Queen. Personne semble le regarder alors que c'est quand même Oliver Queen, tu vois. Donc bon, voilà, ça me voilà. Côté ridicule, on parlera du train. Oh oui. C'était moche. Un train qui fait 1 km de long et qui semble être en plastique au milieu de cette ville. Ça c'est voilà. Après, je note une certaine volonté de se rapprocher de l'esprit adaptation de comics en utilisant des choses qui sont familières aux lecteurs de comics. Donc évidemment, le nom de Green Arrow. La présence d'Easter egg costume, et je la présence d'Easter egg et c'est un ah Easter bon? egg qui est passé inaperçu que peu de personnes ont vu, mais on a quand même eu physiquement le personnage d'Al Jordan à l'écran. C'est Non, t'es sérieux? incroyable. Bah, le mec avec un blouson marqué Jordan, qui est un blouson de pilote américain, enfin de Oh l'armée, putain. avec le drapeau sur le Sérieux? côté. Ah bah, il est en gros plan, tu peux pas le rater. Hein, C'est le début du flashback quand il est dans le bar avec Amanda Waller. Hein. Quand il est dans le bar avec Amanda Waller, avant de voir Amanda et Et Oliver, tu vois un mec en premier plan, tu vois juste le coin de son blouson avec le nom, comme à l'armée, les noms avec les scratchs, les petits bandeaux, là, marqué Jordan, et qui avance avec son blouson en moumoute à l'intérieur, moumoute de mouton, là, comme les pilotes de l'armée, etc. Enfin voilà, un vrai blouson de pilote. D'accord, Et puis sur je le suis pas côté, sûr de voir. tu vois bien sur le côté le drapeau de l'armée de l'Amérique, des États-Unis, donc qui Ah la vache, est un pilote de j'ai l'armée américaine. absolument pas vu. Donc on ne voit pas sa tête, etc. Mais dans ce bar-là, dans le même bar, Oliver Queen et Al Jordan étaient présents. Et c'est quand même dingue pour les fans de comics de voir ça. Donc on a Ah ouais, ça, putain, j'ai plus. on a aussi la petite voilà, on en pensera ce qu'on veut de ce flash forward final, de cette scène finale Ah autour oui. des obsèques Une honte. ou qui va mourir, machin. On en pensera ce qu'on veut, mais c'est un processus Ça quand fait même trop vite. utilisé régulièrement dans les comics et C'est ça. qui voilà. Alors, là où c'est problématique, c'est quand en dehors on te dit, du côté de l'équipe de production de la série, qu'ils savent pas qui va mourir. Ils nous prennent Bah, pour des cons. franchement, tu vois. Là, ça devient emmerdant, je trouve, de te dire oui, voilà, dans 6 mois, un personnage va mourir, et que derrière, dans les interviews, les personnes de l'équipe en charge de la série disent oui, effectivement, quelqu'un va mourir, mais on ne sait pas encore, on est en train d'y réfléchir. Mais on vous Le promet, ça problème, va c'est résonner avec que. les personnages. Pardon? Ouais, ça a été dit dans une interview en marge, bah, de New York Comic Con. Je trouve que le problème de Arrow, c'est que ça a toujours voulu se prendre un peu au sérieux par rapport à Flash, notamment, qui est un peu plus léger de ce côté-là et qui l'assume. Arrow, ça a toujours voulu se prendre un peu au sérieux et un peu avoir du mal avec son héritage comics, quoi. Et du coup, là, en effet, par rapport à ce flash-forward sur la fin, j'ai un peu peur de savoir comment. Enfin, comment est-ce qu'ils vont vraiment se lancer alors que ça fait 4 saisons, enfin 3 saisons du coup et quelques, qui sont dans cette espèce d'hésitation, quoi. Donc je sais pas trop, je suis un peu dubitatif Bah, le fait aussi. qu'ils ne savent pas qui meurt, du coup, ça enlève toute valeur à la larme versée par Oliver C'est Queen. ça. Ou Bah alors, oui, c'est peut-être son quoi, c'est chien, hein, il pleure peut-être pour un peu son ça, mais chien. non, ou alors ils disent ça et puis ça va très bien, enfin. Parce que si au final la personne qui meurt n'est pas d'une ampleur, d'une Felicity, d'un John Deagle ou d'une Thea Queen, quel est l'impact de cette larme qui est, il me semble, Surtout qu'il y a Barry. la première larme qu'on lui voit verser depuis le début de la série. Je ne me rappelle pas l'avoir vu pleurer. Ouais. Et Barry vient aussi, donc c'est quelqu'un que Barry connaît bien. Ouais. Voilà. Honnêtement, à mon avis, enfin, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit Félicité. Oui, parce qu'il a une belle vie, ils veulent se marier, tout ça. Ça paraît logique. Tu le fais en Classique. gros comme une maison, quoi. À mon Enfin, avis, c'est trop logique, justement. Mais c'est ça le problème. Trop classique. Ouais, mais honnêtement, qui, enfin, qui le dit. Ah, si nous faisons le coup de encore buter TA, là, il va y avoir un peu mal. Honnêtement, qui le dit, ils savent pas qu'ils vont faire mourir au tout, j'ai envie de dire, mais ils prennent pour les cons, quoi. Après, enfin, c'est pas la productrice de la série, c'est pas Greg Berlanti qui a dit ça, c'est une productrice exécutive, donc elle est plus éloignée du tournage et de l'écriture que le reste de la production. Bon, les scénaristes, espérons que les scénaristes ont quand même une vague idée, même s'ils devraient savoir d'avance. En général, il faut avoir un projet quand tu te lances dans une série, surtout. Quand tu fais un flash forward, t'as plutôt intérêt de savoir ce qui se passe pendant le temps qui s'est écoulé. Hein. C'est clair. Bon. Mais bon, s'il y avait que ça comme problème dans cet épisode. Voilà, et dans cette. Oui. Donc, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que on ne part pas dans la poursuite de la débâcle. Oui. On a quand même l'impression que la série sort un peu la tête de l'eau. Ouais. Et montre des intentions quand même un peu meilleures. Bah, ouais. Quand même. Moi, j'ai pas été du tout convaincu par ce retour. Depuis tout à l'heure, je vous écoute dire ouais, c'est pas terrible, mais c'est mieux que le reste. D'accord, c'est peut-être un peu mieux que le final, par exemple. Mais c'est pas non plus bon, et ni au niveau de la saison 2, par exemple. Même la fin de la 1, qui était pas énormissime, était déjà pas mal. J'étais déçu, je me suis énormément ennuyé. Pareil que Flash, il y a des facilités scénaristiques. Déjà le coup du Flash Forward. Comme Flash, le coup de tuer un personnage pour apporter un enjeu dramatique, c'est d'une facilité, mais consternante. Et Damien Dark, alors l'acteur est ultra mauvais. Je déteste cet acteur. Quand il se tient debout, il marche ou quoi, t'as l'impression qu'il est serré dans son costume, il est pas crédible. Il essaye d'en imposer, il impose mes couilles, comme on dit. Mais franchement, c'était une honte. Et le début avec Oliver et Felicity, c'était à mourir de rire. Voilà, pour le coup, c'est à mourir de rire du niveau de Gotham. Pardon, Léo. Oh. Mais j'étais ultra déçu par ce retour. Ça oscillait soit entre l'ennui basique et le ridicule à mourir. Laurel, on n'a toujours rien à foutre de Laurel. La scène où de Laurel et Théa sur le terrain, mais c'était hallucinant de nullité. Ouais. Deagle, bon, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, sinon j'ai encore m'énerver. Bah, en dehors de son casque, en dehors du magnéto Deagle, le Deagle en civil m'a pas dérangé, moi. Ouais, je l'ai même trouvé plutôt bien. Qui reste en civil. On s'en fout. Enfin, moi, personnellement, j'en avais rien à foutre. Il rabâchait le même discours et le Deagle papa. Non, mais excusez-moi, il faut que je rentre, j'ai des couches à changer. Ça va être très long. Donc, non, vraiment, en retour, vraiment, pas bon pour moi. Ok. D'autres choses sur Arrow Non, après, faut voir. Comment ça va passer sur la suite, quoi. Après, ils ont intérêt à savoir où ils veulent aller, quoi. Parce que ça peut être encore plus casse-gueule et ça peut donner un truc. Redresser la barre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les intentions qui sont montrées, hein. Ils ont envie de faire oublier cette saison 3. Ça, c'est clair et net. Même question. On continue? Oui. Moins d'enthousiasme, mais oui. Péniblement pour Arnaud, Clément. Ouais, avec pas énormément d'enthousiasme. Léo. Moi, en dernière priorité, hein, vraiment. Il y a beaucoup de séries à voir et il y a longtemps que cette série m'a à moitié perdu. D'accord. Pour ma part, oui, on continue, évidemment. Après, voilà, ça sera pas ma priorité, mais les intentions montrées par ce season 1, encore une fois, moi, un peu plus de... Après, si les intentions montrent quelque chose de bien, oui, ça pourra toujours remonter, mais... On est dans la saison première. Voilà, forcément. Montrer quelque chose de mieux pour le mériter, quoi. Dès la semaine prochaine, on verra, de toute façon, on aura la réponse. Et bien voilà, ça nous amène au bout de cette émission 25 de Sur nos écrans, qui aura décidément... c'est le thème de la semaine, était Oversize. On se retrouve lundi sur la page YouTube pour la sélection des sorties VF, comme chaque lundi désormais. On se retrouve mardi pour le 26e numéro du mag, un mag qui sera forcément plus calme. Et puis jeudi, sur nos écrans numéro 26 pour la semaine prochaine, on va dégommer du zombie, puisqu'on va faire le bilan de cette saison 1 de Fear the Walking Dead, et on vous reviendra rapidement sur le season 1 de The Walking Dead. Il ne nous restera après plus qu'à les zombies à traiter, pour avoir fait un petit peu le point sur le retour de toutes les séries. D'ici là, évidemment, bonne série et à bientôt. Salut. Salut. Salut.